Le pélican ou les deux mers. Tout perdu dans les soins de sa jeune famille, sur la vague qui passe et qui roule et qui brille, un pélican s'incline et saisit des poissons, qu'il offre en espérance à ses chers nourrissons. Sans affaire et livrée à l'amour d'elle-même, l'autruche, en digérant, vient le long du rocher. Son repas est fini, qu'aurait-elle à chercher? Elle porte tout ce qu'elle aime. Grand Dieu, d'où venez-vous? Dit-elle au tendre oiseau, dont la poitrine est ouverte et sanglante. Sortez-vous d'un combat, d'un piège, d'un réseau? Le coup est-il mortel? J'en suis presque tremblante. Parlez donc, quelle flèche ou quel ongle assassin vous déchira le sein? Vous faites peur, c'est moi, c'est un peu de ma vie, répond le pélican à sa pêche assidue. Vous allez me porter en vie. Mes petits avaient faim, mon sang n'est pas perdu. Je l'ai versé pour eux. « Quoi ? » dit l'autre irrité. « Votre sang, taisez-vous. On ne peut sans honneur supporter dans l'amour cet excès de fureur. » Il soulève, il repousse, et j'en suis révolté. « Vous perdez le bon sens, vos petits vous tueront, et les oiseaux riront. » Laissez ces préjugés aux tendres tourterelles. L'amour est un besoin qu'il est doux d'éprouver. Mais je n'aurais point d'eux s'il fallait les couver. Quel emploi, quel ennui d'étendre ainsi les ailes, de garder la maison, d'y mourir de chaleur. L'hymen n'est donc pour vous qu'un travail, un malheur? Se torturer le flanc, s'appauvrir l'existence, mourir pour satisfaire à l'importune instance de petits jeunes dévorants dont les cris déchirants troublent et le somme et la veille. D'en parler seulement, je me blesse l'oreille. Ce fanatisme fait pitié. Toutefois, s'il est temps, écoutez l'amitié. Mon exemple peut vous instruire. Loin de couver, de me détruire, au hasard je laisse mes œufs. Le ciel veille sur moi, le ciel veille sur eux. Je ne me charge pas de ce soin haïssable. Je suis mère pourtant, je les couvre de sable. Si la pluie et l'orage et les vents tour à tour ne les écrasent pas avant de naître au jour, si le milan ne les dévore, la chaleur du soleil enfin les fait éclore. La nature en prend soin et tous les éléments composent mieux que moi leurs premiers aliments. Ils s'envolent alors et vont chercher fortune. Je n'ai pas supporté leur enfance importune. Ce qu'ils deviennent, je ne sais. Je me porte bien, c'est assez. Méchante, ah, méchante endurcie! De quel aveuglement ton ami est obscurci? Tu n'as donc d'une mère obtenu que le nom? Va, tu glaces mon cœur, tu blesses ma raison. Quoi, te déshériter des larmes d'une mère? De tes tourments délicieux? De ces plaisirs silencieux, où tout est volupté bien que parfois amer, quand je sens mes petits s'agiter sous mon sein, quand leurs cris me disent « j'ai faim ». Oh, quel bonheur j'éprouve à leur donner ma vie. Mais ma douce blessure est promptement guérie. On dirait que l'extrême amour renaît sans cesse de lui-même. On le prodigue en vain, comme le feu du jour. Il se ranime encore pour nourrir ceux qu'il aime. Va chercher les enfants, tu me remercieras. Si tu peux les trouver et devenir sensible, ton sort au milieu d'eux s'écoulera paisible. Va, ne crains plus la mort, sois mère, tu vivras.